Das ist der Wald? Ja. Mit Waldarbeitern? Nous les travailleurs. Ihr seid die Arbeiter. Nous sommes les travailleurs de la forêt. Ihr Musiker. Ouais. Ist das ein Tannenwald? Ja. Silencieux, hein? Sehr ruhig. Il y avait un écho dans cette forêt inouïe. Parce que c'était en forme de théâtre romain. Ja? Ou grec. Wie ein griechisches Theater war dieser Wald. Mit einem Echo. Wie klagend. Das ist Saxophon. Ja. Tu te rends compte les petites clochettes là? C'est très joli. Ich spreche meine Stimme dir vor. Was singe ich? Ich singe meine undeutlichen Worte. Das Geräusch des Waldes, der Klang meiner fremden Worte, in der Sprache der Lust, sind unverständlich wie die Worte des Waldes. Sprache. Ich sage Geräusche, ich sage Geräusche, ich sage Geräusche, ich sage Geräusche, ich sage Geräusche. Noch im Wald? Ja. Wie sprechen Sie Occitanisch? Appelle à la Palumbo. Et la fille, c'est dans la main, c'est dans la main des Genèves, ça, ça. C'est dans les mains des Suisses roumains. Ah mais ici c'est comme un théâtre romain. Hein. C'est déjà l'espagnol. Ah non, ça n'a rien à voir avec l'Espagne. Hein. Ah, l'espagnol, c'est tout le français. Oui. Uno primo di rischio. Uno primo di rischio. Uno primo di rischio. Uno primo di rischio perché è molto, molto difficile. È molto, molto difficile per fare della musica. È molto pericoloso. Pericoloso. In English, do not lean out of the window. That is very dangerous. That is very dangerous. Yeah. C'est pas un métier d'homme. C'est pas un métier d'homme. C'est pas un métier d'homme. Faire des billes. Oui. Sauf que parler de la scène, de la spicciotte, oh, à cause de mais faire des musiques de la nature. Non, même pas bisous. Mais faire des musiques de la nature. N'y a tout le temps. À quoi appeler un accord aux intellectuels occitans. Appelons à quoi un pléonasme. Thank you. finalement, je pense que c'est peut-être très intéressant que je sois complètement perdu. Ebenso verirrt wie die französischen Musiker in Frankfurt. Et que moi je fasse un Hörspiel où je me perds complètement. Ja, wo du ein Hörspiel, in dem du dich völlig verirrst. Ein Labyrinth von Zeit, Raum. Wo bist du jetzt? Bist du in Frankfurt oder in Paris? Ich bin in Paris. Vielleicht vergisst du das. Ja? Non, parce que j'ai le sens des réalités. Moi, je sais très bien que je ne suis pas à Francfort. Je sais que je suis à Paris.